Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 7. De l'infinité de Dieu. Dieu seul est infini par essence. 1. Dieu est-il infini? Les anciens philosophes, à qui la raison démontrait que tous les êtres découlent à l'infini du premier principe, ne se trompèrent point en disant que le premier principe est infini, mais ils tombèrent dans l'erreur quand ils en firent un corps. Être infini, c'est n'être pas fini, or, toujours la matière est finie et limitée par sa forme, et la forme, de son côté, quand elle est unie à une matière, est finie et limitée par cette matière même qui l'individualise. Un corps, par conséquent, ne saurait être absolument infini. Cela dit, remarquons que l'idée de perfection est bien mieux renfermée dans l'idée de forme que dans celle de matière, car la matière ne doit sa perfection qu'à la forme qu'elle revêt, tandis que la forme, au contraire, loin d'être perfectionnée par la matière, est plutôt restreinte par elle à tel ou tel corps. Si bien que, pour s'élever à l'idée de la perfection, il faut concevoir une forme qui ne soit ni déterminée ni limitée par la matière. Or, quelle est la plus complète de toutes les formes, si ce n'est celle qui nous est offerte par l'idée même de l'être? Il est donc assuré que Dieu, dont l'être n'est ni reçu ni communiqué, qui est, au contraire, un être subsistant par lui-même, et que nous concevons comme une forme nécessairement simple, est infini. Note. L'infini qui lui est propre est l'infini absolu, et non pas l'infini quantitatif ou matériel. Du moment que Dieu subsiste en lui-même et par lui-même sans être reçu dans un autre être, l'infinité qui lui appartient se distingue de tous les autres infinis. Je ne saurais concevoir qu'un seul infini, c'est-à-dire que l'être infiniment parfait ou infini en tout genre, Fénelon, lettre 4 sur la religion, première question, de la nature de l'infini. Fin de la note. 2. Dieu seul est-il infini par essence? Tout ce qui n'est pas Dieu vient de Dieu comme du premier principe, donc il n'y a que Dieu qui soit infini. Ceci est clair. Quel serait-il cet infini en dehors de Dieu? La matière? La matière sans forme est imparfaite, nous l'avons vu. Limitée par une forme, elle est finie. La forme? Mais toute forme créée est nécessairement limitée par une nature déterminée, et ensuite nulle forme créée n'est son être à elle-même. Note. Ajoutons qu'il est contraire à la nature des choses que ce qui est créé soit absolument infini. Dieu lui-même, avec sa toute-puissance, ne saurait créer quelque chose d'absolument infini. Est-ce qu'il pourrait créer une chose qui ne fût pas une créature? Néanmoins, on doit convenir que l'être fini peut être infini sous quelque rapport. La matière, par exemple, bien que fini, conserve l'aptitude à recevoir une infinité de formes accidentelles. Le bois, qui dans sa nature est fini, n'est-il pas infini sous un rapport, en ce qu'il peut changer de figure indéfiniment? Fin de la note. 3. Peut-il y avoir un infini actuel en étendue ou en grandeur? Nous n'hésitons pas à répondre négativement. Aucun corps, soit physique, soit mathématique, ne saurait être infini. D'abord, quand vous établiriez qu'un corps est infini en étendue, notez, en passant, qu'il ne s'ensuivrait pas qu'il soit infini par essence. Son essence sera toujours limitée à une espèce par la forme, à une individualité par la matière. Mais prouvons directement que les choses créées ne sont pas même infinies en étendue. Tout corps physique a nécessairement une forme substantielle déterminée, il a des accidents limités, et comment avec cela serait-il infini? En outre, Tout corps physique a un mouvement physique, qu'on dise quel mouvement pourrait avoir un corps infini. Le corps qui se meut, soit en ligne droite, soit dans un mouvement circulaire, sort de son lieu. Or, cela pourrait-il arriver à un corps infini, qui occuperait à la fois tous les lieux? Voilà pour les corps naturels. Note. Un corps infini ne pourrait sortir de son lieu pour se mouvoir en ligne droite, puisqu'il occuperait tous les lieux. Il ne pourrait pas non plus avoir un mouvement circulaire, car, dans ce mouvement, une partie du corps passe à l'endroit occupé auparavant par une autre partie, ce qui est impossible dans un corps sphérique qui serait infini. En effet, supposons que deux lignes partent du même centre, il est clair qu'elles seront d'autant plus écartées entre elles qu'on les prolongera davantage. Or, si, par hypothèse, le corps est infini, les lignes seront infiniment écartées à leur extrémité, et l'une ne pourra jamais arriver à la place de l'autre. Fin de la note. Arrivons au corps mathématique. On sait qu'il se distingue des autres en ce que l'on n'y considère que la quantité. Or, si nous nous représentons un corps mathématique comme existant réellement, il faut que nous le concevions sous une forme quelconque, car aucun être n'est en acte que par sa forme. Mais la forme de la quantité est alors une figure, et si le corps mathématique est une figure, il est fini, car la figure est comprise dans une ou plusieurs limites. Concluons qu'il n'y a point d'infini actuel en étendue ou en grandeur. 4. Peut-il y avoir un infini dans les êtres multiples? Il n'y a pas d'infini actuel en multiplicité, pas plus qu'il n'y a d'infini actuel en grandeur. Il faut, en définitive, que toute multiplicité rentre dans une espèce, et elle ne peut rentrer par sa nature que dans l'espèce des nombres, dont aucun n'est infini, parce que tout nombre est une multitude qui a pour mesure l'unité. Il ne peut donc y avoir de multitude actuellement infinie, ni par soi, ni par accident. De plus, la multiplicité se compose de choses créées, et conséquemment finies. Mais si la multiplicité n'est pas infinie en acte, elle peut l'être en puissance, c'est une conséquence de la division de la grandeur. En effet, plus vous divisez un objet, plus le nombre des parties est considérable. D'où il est aisé de voir que, si l'infini existe en puissance dans la divisibilité de la matière, il existe de même en puissance dans l'accroissement de la multitude, les nombres s'ajoutent au nombre indéfiniment. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.